Il est midi 55 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée de ce 4 septembre dont les grandes articulations sont les suivantes. Un homme a été tué en province Lomongué dans la matinée de ce dimanche quand il se rendait à son travail. Deux personnes sont déjà détenues par la police pour des raisons d'enquête. Le patron du CNDD-FDD promet une assistance à l'endroit des autres partis politiques de l'opposition pour les aider en cas de violation des droits de l'homme. Et dans ce journal, vous aurez la réaction du vice-président de Sawanya Frodebou. Dans 50 nouvelles familles ont déposé leur plainte à l'ONU pour les crimes contre l'humanité. Elles s'ajoutent aux 60 autres qui avaient adressé leur demande à la Cour pénale internationale. Ce journal sera présenté par Ali Dandaïkeza. La mise en onde est assurée par Albert Ndouayo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore. Un certain Ndimurigo Raphaël a été tué à Kiyagayaga sur la colline Murenge, en commune Burambi de la province Lomongué dans la matinée de ce dimanche. Les sources policières à Lomongué indiquent que le dauphin allait cuisiner dans son restaurant de Kiyagayaga quand des inconnus se sont jetés sur lui, le tuant à coups de machette. Une personne et son fils ont été arrêtés pour enquête. C'est la deuxième personne tuée en commune Burambi à moins de deux semaines. Certains habitants de la mairie de Bujumbura ont accueilli avec beaucoup de regret la mort de Burundais qui ont été fusillés à la frontière burundo-rwandaise alors qu'ils tentaient de vendre leurs marchandises au Rwanda. Ils demandent en outre aux deux gouvernements de s'asseoir ensemble afin de trouver une solution adéquate. Ils étaient au micro d'Evrard Javierimana. Nous avons accueilli avec beaucoup de regret lorsque nous avons entendu qu'il y a des gens qui ont trouvé la mort à la frontière burundo-rwandaise. Nous demandons qu'on laisse la libre circulation des biens et des personnes. Que les gouvernements du Burundi et du Rwanda s'entendent. Ça m'a tellement choqué d'entendre la mort de ces Burundais, mais que les deux gouvernements s'en mettent ensemble. Nous déplorons la mort de ces Burundais, mais que les autorités de ces deux pays s'entendent pour l'intérêt de la population. Si les autorités de ces deux pays respectifs ne s'entendent pas, on va continuer à nous fusiller. Nous demandons au gouvernement du Burundi et du Rwanda de s'asseoir ensemble pour trouver une solution adéquate. Page politique. Le secrétaire général du CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye, a promis de collaborer avec les leaders d'autres partis politiques de l'opposition pour résoudre tous les cas de violation des droits humains ou différends qui peuvent éclater entre leurs membres. Il a déclaré à la fin de l'émission Mosaïque de ce samedi sur la cohabitation pacifique entre les membres des partis politiques à travers le pays. Evariste Ndayishimiye. D'abord, je suis apaisé. Plutôt, permettons-nous qu'on reste en contact. Si Gwasa n'a pas de contact avec telle autorité, il peut me demander, voici ce qui se passe là-bas, il faut qu'on dénonce cela ensemble. Parce que s'il y a des fautes commises, il faut qu'on se coalise sur ces fautes pour que ça soit corrigé. Donc, je demanderai à Léos, à Gwasa et aux autres présidents des partis politiques de rester sereins. Et puis, nous allons résoudre tous les problèmes ensemble. Sinon, ce qui nous unit, c'est l'avenir du pays. Si nous avons la misère, comme il le dit, nous le voyons de la même manière. Nous cherchons les solutions ensemble. Et puis, on continue. Ce n'est pas des choses qui sont négociables parce que nous le comprenons de la même manière. Donc, j'interpelle les présidents des partis politiques de rester sereins pour que les membres qui sont derrière eux soient aussi serrés. Et puis, s'il y a des difficultés, nous devons les gérer ensemble et ne pas amener le gouvernement dans les difficultés. Plutôt, il faut qu'on appuie le gouvernement à trouver des solutions sur beaucoup de questions, parce que le Burundi n'est pas un paradis. Sur ce même sujet, l'honorable Léonce Nguendakoumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou, dit qu'il prend acte des propos du premier secrétaire du parti CNDD-FDD à condition qu'il n'éteigne pas son portable. C'était aussi au cours de l'émission Mosaïque de ce samedi. Je prends acte Tout ce qui vient d'annoncer au secrétaire général du parti, c'est de décréter, à condition qu'il ne prenne pas la personne de l'effet, qu'il soit disponible. Et ce qu'il vient de dire, c'est le porte-parole ou l'assistant ou le permanent, de nous laisser fonctionner. Qu'on soit sur une colline, qu'on soit sur deux collines, mais qu'on nous laisse fonctionner. Et si je veux vous le démontrer, et on va commencer à organiser des réunions. On va commencer partout. C'est-à-dire qu'il avait laissé de faire des réunions finalement. Si vous n'empêchez pas ces jeunes bonnes raccourés et ces policiers, nous allons. Ne diabolisez pas les jeunes de notre parti. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Page justice. 50 nouvelles familles burundaises victimes de crimes contre l'humanité ont porté plainte contre les corps de sécurité auprès de l'ONU pour des cas de torture, d'exécution extrajudiciaire et des disparitions des victimes. Ces familles viennent s'ajouter aux 60 autres qui avaient porté plainte auprès de la Cour pénale internationale. Ceci ressort du communiqué de presse du collectif des avocats qui poursuivent les plaintes de ces familles. Les détails avec Christelle Nizigama. Parmi ces 50 nouvelles familles burundaises qui ont porté plainte auprès de la Cour pénale internationale, 30 personnes ont subi des cas de torture, d'exécution extrajudiciaire et de disparition de victimes. Le procureur, près la Cour pénale internationale, est saisi de ces plaintes ainsi que le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Poursuit ce communiqué, tous les plaignants, dans le respect des procédures en matière de protection des témoins auxquels ils ont droit, sont prêts à collaborer avec les autorités de justice pour que la vérité des crimes contre l'humanité commis au Burundi éclate et que les auteurs des infractions pénales soient poursuivis et condamnés devant les instances compétentes. Dans ce collectif des avocats des victimes, il y a Armel Niongele, avocat au barreau de Bujumbura, victime d'une procédure de radiation. Rappelons que récemment, 60 autres familles burundaises avaient porté plainte contre les corps de sécurité sur ces cas de crimes. Rappelons encore que le comité de droits de l'homme au Burundi avait présenté un rapport devant la chambre basse du Parlement où il reconnaît 27 cas de torture et 19 cas de personnes disparues. Alors que la ministre burundaise de la Justice était devant le comité de l'Organisation des Nations Unies contre la torture, elle a annoncé que 5 dossiers de ces cas de torture sont déjà en justice. À 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro, page éducation. Certains enseignants de la commune de Rutovu en province de Bururi dénoncent ce qu'ils appellent le favoritisme dans la désignation des candidats à la formation pour prester au poste fondamental. Le directeur communal de l'enseignement à Rutovu est pointé du doigt, même s'il s'en défend. Le directeur provincial de l'enseignement de Bururi promet des enquêtes pour arrêter des mesures conséquentes. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Selon certains enseignants de Rutovu contactés, tous les directeurs des écoles secondaires et fondamentales de cette commune ont participé à la formation des enseignants des premières années du poste fondamental. Et pourtant, poursuivent-ils, certains directeurs n'enseignent pas ou n'ont pas de section au poste fondamental. Pendant ce temps, d'autres enseignants ont été remplacés par ceux qui auraient promis une partie de leurs frais de déplacement au directeur communal de l'enseignement de Rutovu. Les enseignants qui prestaient habituellement dans les 11e années se demandent comment ils vont enseigner dans un nouveau système sans aucune notion ou s'ils seront remplacés. Innocent Hakirutimana, directeur communal de l'enseignement de Rutovu et principal accusé dans ce dossier, dit que tous les directeurs ont été conviés à cette formation pour mieux coter les enseignants. Il ajoute que des sections du poste fondamental sont prévues à toutes les écoles fondamentales pour réduire le trajet des élèves. À propos des accusations qu'il a injustement remplacé certains enseignants par ceux qui lui sont proches pour ensuite leur exiger des pots de vin, le directeur communal de l'enseignement de Rutovu dit que ce sont des propos tenus pour le salir. De son côté, Bouchoumi Firmin, directeur provincial de l'enseignement de Bururi, promet de faire ses propres investigations et placera chaque directeur dans la place qu'il aura méritée de par cette formation. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Grogne des habitants de certains quartiers de la ville de Ngozi suite à la pénurie d'eau qui dure plus d'une semaine. Ces habitants pointent du doigt certains employés de la régie des eaux qui favoriseraient quelques personnes au détriment des autres. Reportage d'Apollinaire Mozagara. Les habitants de ces quartiers comme Gisagara, Muremera et autres déplorent hygiène doit passer toute une semaine sans aucune goutte d'eau dans le robinet. Ils éprouvent pour le moment d'énormes problèmes d'hygiène causés par cette pénurie d'eau. Pas seulement ça, ils dépensent beaucoup car ils achètent l'eau amenée par des conducteurs de taxi vélo à 500 francs bout en bidon de 20 litres pour pouvoir cuire les aliments. Les habitants d'Ongozi s'inscrivent en faux contre certains employés de la régie des eaux qui privilégieraient certaines catégories au détriment d'autres. Là, ils parlent de certains robinets aux mains des privés où se lavent les véhicules remotes. Les derniers ne manquent presque jamais d'eau. Tension de la ville d'Ongozi est l'une des raisons de cette pénurie d'eau d'après la régie des eaux, mais elle tranquillise que ce problème sera bientôt résolu vu les nouveaux tanks d'eau en cours de construction. Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Plus de 19 000 pieds de caféiers sont déjà partis en fumée durant cet été dans 5 provinces du Burundi. Les précisions sont du président du collectif des associations des caféiculteurs du Burundi, Sénac Murima Wisangi, Joseph Nirabama, fait savoir que la province Ngozi a été la plus touchée. Suivez Joseph Nirabama. Dans la province de Karuzi, on a enregistré 1220 pieds de café dans la commune de Mugenyuzi, commune de Kisania, dans la commune aussi de Nyabitere, la commune de Kende, de Tansongetio. Mais dans la province de Kayanza, on a enregistré 1100 pieds qui ont été brûlés. Dans la province de Kirundo, il y a 1625 pieds brûlés. Et la catastrophe est enregistrée en Ngozi où nous avons 13024 pieds déjà brûlés. Et dans la province de Muyinga, 62 pieds déjà brûlés. En total, nous avons 19286 pieds de caféiers déjà brûlés. Les causes principales sont des enfants qui ont passé dans les plantations de caféiers avec du feu et d'autres, ce sont des gens qui ont allé chercher du miel et ils ont laissé du feu à côté des plantations. Les prix des matériels scolaires comme les cahiers ont grimpé au marché de chef-lieu de la province Mungaro. Une somme variée entre 100 francs et 200 francs s'est ajoutée ces jours-ci par rapport au prix de l'année passée. Certains parents demandent que l'État révise l'impôt sur ces produits pour qu'ils soient accessibles davantage. Reportage signé Laurent Ndikurio. Au moment où le début de l'année scolaire 2016-2017 approche, certains parents et élèves de la province Mungaro se précipitent pour acheter les matériels scolaires, surtout les cahiers. Il précise que le prix de ces matériels a monté par rapport à celui de l'année dernière. Comme nous l'avons constaté ce dimanche au marché du chef-lieu de la province Mouaro, un cahier de 100 feuilles coûte entre 950 francs et 1000 francs, alors qu'il s'achetait à 800 francs l'année scolaire passée. Un cahier de 60 feuilles coûte 600 francs, alors qu'il coûtait 500 francs l'année dernière. Celui de 48 feuilles a passé de 400 francs à 500 francs, et celui de 36 feuilles a passé de 300 francs l'année dernière à 400 francs aujourd'hui. Un stylo a passé de 250 francs à 300 francs aujourd'hui. Certains parents rencontrés à ce marché disent que ces prix qui ont grimpé s'ajoutent aux conditions précaires qui règnent déjà dans certains ménages. La situation devient plus inquiétante pour ceux qui doivent acheter des cahiers et payer le minerval pour 5 enfants ou plus. Certains commerçants disent qu'ils achètent eux aussi ces matériels à un prix élevé à cause de la dévaluation de la monnaie à laquelle s'ajoutent les impôts y relatifs. Ces parents d'élèves demandent à l'État de suivre la variation des prix de ces matériels scolaires pour qu'ils puissent s'en procurer facilement afin d'éviter qu'il y ait encore plus de cas d'abandon scolaire par manque de matériel scolaire. Soumouaro, Laurent Dicurio, Radio Sanganiro. Ainsi s'achève ce journal, mais avant de nous quitter, un petit rappel des titres. Un homme a été tué en province Lomongue dans la matinée de ce dimanche quand il se rendait à son travail et deux personnes sont déjà détenues par la police pour des raisons d'enquête. Le patron du CNDD-FDD promet une assistance à l'endroit des autres partis politiques de l'opposition pour les aider en cas de violation des droits de l'homme. Vous avez entendu dans ce journal la réaction du vice-président de Sawanya Fodebo. 50 nouvelles familles ont déposé leur plainte à l'ONU pour les crimes contre l'humanité. Il s'ajoute aux 60 autres qui avaient adressé leur demande à la Cour pénale internationale. C'est par ici que prend fin ce journal qui vous était présenté par Ali Dandaïkeza et Albert Ndouayo assurait la mise en onde. Merci à tous et gardez l'écoute de la radio Isanganiro.